Guten Tag, grüß Gott, bienvenue à vous. Première d'une nouvelle série de Suivez le Guide en Allemagne, plus précisément en Bavière, l'un des 16 Länder dans le sud-est de l'Allemagne, sa capitale, Munich. La population se compose de plus de 6 millions de Bavarois, 4 millions de Franconiens et près de 2 millions de Swabes. Notre première étape est Ratisbonne, en allemand Regensburg, baigné par le Danube. Nous sommes à 80 km de Nuremberg, 100 km de Munich, proche de la République tchèque. C'est la quatrième ville de Bavière, après Munich, Nuremberg et Augsbourg. Depuis le 13 juillet 2006, la vieille ville médiévale de Ratisbonne, ainsi que le quartier de Stadt am Hof, sont inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Ratisbonne est le siège d'un évêché catholique. Regensburg. Radio Wuppertal 107.4 Nachrichten. NRW, Deutschland und die Welt. Suivez le guide en Allemagne. Première émission. Faisons immédiatement connaissance avec notre guide. Guten Tag, grüß Gott et bonjour. Ich begrüße die Hörer hier in Regensburg. Mein Name ist Michael Koska, ich bin Kunsthistoriker, offizieller Führer der Stadt Regensburg. Auch im Namen der Stadt Regensburg darf ich Ihre Hörer recht herzlich begrüßen. Ça, Michael, c'est la version allemande. Maintenant, version allemande. On va passer à la version bavaroise. Grüß Gott, mein Name, ich bin der Michael. Ich bin echt dabei und natürlich auch hier Stadtführer in Regensburg. Sie merken schon, ist ein bisschen eine andere Aussprache als im Deutschen, aber trotzdem ein herzliches Grüß Gott beieinander. Qu'est-ce qui différencie l'allemand du bavarois, enfin, principalement? La grammaire est semblable, mais on... Il y a un accent. C'est un accent. On remarque l'accent, oui. Ouais. Bon, alors on va tenter en français maintenant. Bon, je vous souhaite la bienvenue ici à Ratisbonne, une des villes les plus anciennes en Allemagne. Moi, je m'appelle Michael, je suis historien d'art et je vais essayer de vous faire connaissance avec cette ville, histoire ininterrompue depuis presque 2000 ans. Regensburg, Germany is a city located on the banks of the Danube River. This river settlement dates back to the Stone Age. Housing many different tribes throughout the centuries, and like its ancestors, civilization. Michael, Ratisbonne en quelques chiffres. Aujourd'hui, Ratisbonne, une ville avec environ 150 000 habitants, une université avec environ 25 000 étudiants, des nouvelles industries s'y sont installées, Siemens, BMW avec environ 8 000 employés. Donc on peut bien dire que Ratisbonne est une ville moderne. Le B de BMW, c'est Bavière. Hein? C'est Bavière, Bayerische Motorenwerke. Donc on peut bien dire que Ratisbonne est une ville moderne, mais à la fois Ratisbonne possède plus de 1200 monuments historiques, bâtiments historiques désignés. Désignés, cela veut dire protégés par loi contre la démolition. Et ce nombre de 1200 fait Ratisbonne, en effet, l'ensemble médiéval plus grand en Allemagne. Et un certain nombre classés au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est ça. Grâce au fait, naturellement, que nous avons eu de la chance au cours de la Seconde Guerre mondiale. Vers cette époque, seulement 13% de la ville était détruite. Et 13%, c'est une quantité négligeable pour une ville allemande. Voilà, parfois 13%, c'était ce qui restait, hein, et parfois rien du tout. Situons géographiquement Ratisbonne, Michael. Ratisbonne est située entre Munich et Nuremberg, au bord du Danube. Le pont le plus nord du Danube, en effet. Donc, Munich est environ 100 km vers le sud, Nuremberg est environ 100 km vers le nord. Und trotzdem ist jetzt erstmal Schluss mit Winter. Jetzt rollt bei uns der Ball. Wir sind in der dritten Liga beim Spiel Hansa Rostock gegen den Jan aus Regensburg. Und dem hat die Winterpause augenfällig richtig gut getan. Zumindest sind die Regensburger furios und ungewohnt torreich in die Restrunde gestartet mit 3:0. Das hier ist der Treffer Nummer 3 durch Neuzugang Marcel Hofrath. Michael, la difficulté, ça va être de raconter la longue histoire. C'est une longue histoire, Ratisbonne, mais dans une version très courte. Donc ça, c'est difficile. Hein? Donc, je vais essayer. Top! Chrono, c'est parti. Bon, l'histoire proprement dite ici à Ratisbonne a commencé avec les romain. Ratisbonne est située au bord du Danube et le Danube était à la fois la frontière au nord de l'Empire romain et pour fortifier cette frontière contre les ennemis, cela veut dire contre les diverses tribus germaniques, les Romains avaient construit le long du Danube une chaîne de forteresses jusque l'embouchure du Danube dans la mer Noire. Mmh. Ratisbonne est située sur le point le plus septentrional, le point le plus nord du Danube, et c'est naturellement un point d'importance concernant la stratégie militaire, et c'est pourquoi les Romains avaient construit une forteresse juste ici, en l'an 179 après Christ, avec le nom Castra Regina. Cela veut dire la forteresse au bord du Rhin. Le Rhin, c'est un petit affluent du Danube venant du nord, et d'ailleurs le nom allemand pour Ratisbonne, Regensburg, c'est la traduction allemande de ce nom latin Castra Regina, ah, la forteresse au bord du Rhin. Le nom Ratisbonne est dérivé du mot celtique Ratisbona. Avant les Romains, ici c'était une population celtique, pas germanique. C'est une différence entre l'Allemagne sud et le nord. Dans le nord existaient des tribus germaniques, ici dans le sud celtiques, comme en France, comme en Gaule. Mais alors ici on est quand même en Bavière. Est-ce que les habitants de Ratisbonne se sentent bavarois? Naturellement. Bon, aujourd'hui, comme vous savez, l'Allemagne consiste en 16 États. Bavière est un des 16 États, de 16 Länder, mais le royaume du Bavière est dérivé du Moyen-Âge. 788, c'était la fin de l'ancien territoire bavarois. On peut bien dire que les Bavarois se développaient déjà en 6e siècle, avec, après la chute et le déclin de l'Empire romain, et après les Romains s'avaient retirés de cette forteresse ici. Les tribus, les diverses tribus germaniques s'emparaient des vieux murs romains. Donc, on peut bien dire ici d'une population permanente dès le temps romain jusqu'à nos jours. Et au 6e siècle, à l'abri des vieux murs romains, la tribu des Bajuwaren se développait. Les Bajuwaren, ce sont les anciens Bavarois. Ici, à Ratisbonne, était en effet la première résidence des ducs de Bavière. On peut bien dire que Ratisbonne était la première capitale de la Bavière. Aujourd'hui, c'est Munich, mais Munich est environ 1000 ans plus jeune que Ratisbonne. Je dois dire ça, je suis né ici. Bah, il faut le dire, Michael. J'allais vous poser la question et vous demander s'il y avait encore des vestiges de l'époque romaine. Et au moment où je vous pose la question, ben on y arrive. Hein. Évidemment. Ici était stationnée une légion complète avec 6000 soldats. Et pour cette légion, on a construit une forteresse gigantesque, une construction rectangulaire. Cela veut dire qu'elle formait un rectangle avec une longueur de 540 mètres, une largeur de 450 mètres. Et voici, ce sont 60 mètres de ce mur romain. Donc c'est en pierre, enfin, c'est monumental, hein? Absolument. On ne peut pas les déplacer facilement, hein? c'est un peu lourd à déplacer. Et très impressionnant pour les tribus germaniques, naturellement. Et vous devez toujours considérer 6000 soldats, mais tout l'Empire romain possédait seulement 30 légions, et une de ces 30 légions était stationnée juste ici, à Ratisbonne. Alors, on va expliquer, Michel, parce que c'est assez surprenant. On parle du mur, mais le mur aujourd'hui n'est pas un mur à ciel ouvert. Hein. C'est couvert, et juste à côté, alors on a pris des escaliers pour descendre, enfin un escalier plutôt pour descendre, et juste à côté, il y a un bâtiment très contemporain, très moderne. Un parking couvert. On c'est un parking. Je voyais des cuisines de restaurants, là, bon. Il semblait. Oui. Alors, c'est un parking couvert. C'est un parking couvert, oui. Alors, il y a ce passage. Nous sommes très heureuses de voir cette mur encore aujourd'hui parce que à l'origine, cela voudrait être un parking et le mur totalement détruit. Ici en Allemagne, il existe une loi depuis l'an 1973 et dès lors, les monuments historiques sont préservés. Mm-hmm. Auparavant, on pouvait faire avec... On aurait pu le casser. C'est ça. Et réutiliser les pierres c'est pour ça. Faire autre chose. Mais ce mur, on l'a découvert, on connaissait l'existence du mur ou on l'a découvert quand on a fait les travaux Pas exactement, ces dimensions, non. Donc d'un côté, un mur qui a combien de siècles, enfin l'année du mur, on peut l'estimer Oui, naturellement, chaque côté de ce mur possédait au centre une porte, ah oui. Là-bas vous voyez une... Donc on a reconstitué. Hein. Et au-dessus de la porte est de cette forteresse. À l'origine, existait une plaque de pierre avec une inscription. Cette plaque de pierre est préservée au musée et cette inscription nous apprend qu'en 16e an de la règne de l'empereur romain Marc Aurel, Marc Aurel, ouais. Exactement l'an 179, la construction de Castra Regina était complétée, donc une datation ouais. précise, pour ainsi dire, l'acte de naissance de Ratisbonne. Alors d'un côté, à un mètre à ma gauche, donc 179, et de l'autre côté, à un mètre à ma droite, quelle année, le mur du parking? On peut le dater précisément? Oui, on peut, c'était 1971. Ah, donc 179, 1971. Ça fait presque penser au mur des Lamentations. Le mur d'ailleurs, c'est du calcaire du Vallée Danubien. Les carrières étaient si près. Suivez le guide est en Bavière, notre première étape au nord-est de Munich, Regensburg. Michael, dans notre découverte de Ratisbonne, nos pas nous mènent maintenant sur une place. Donc une jolie place avec une porte, visiblement un passage, peut-être une porte, et derrière on distingue les flèches de la cathédrale. Oui, les flèches de la cathédrale. L'évêque de Ratisbonne était un prince-évêque indépendant. Et cette place ici, c'était propriété du duc de Bavière. Le grand bâtiment jaune ici, jaune, c'était la résidence des ducs de Bavière, construite vers l'an 1220. C'était en effet un palace. Et à droite de cette palace, vous voyez une grande tour, une fortification. Mm-hmm. La tour possède dans les parties basses une épaisseur de 4 mètres. C'était en effet une forteresse dans la ville. Donc beaucoup de maîtres ici à Ratisbonne, le duc de Bavière, l'évêque et aussi la ville franche. Mm. C'était une ville riche alors Ratisbonne, non? Ratisbonne était une des villes les plus riches de l'Empire allemand grâce aux commerçants de Ratisbonne. Le pont de pierre, c'est pour ainsi dire une carrefour des grandes routes de commerce, une liaison sud-nord, une liaison ouest-est. Dans notre découverte de Ratisbonne, Michael, nous sommes maintenant, alors sur une autre place, je ne sais pas si elle s'appelle la place de la cathédrale, mais on est devant la cathédrale de Ratisbonne, bon, qui est impressionnante. Hein, et ce qui frappe, c'est les murs de la cathédrale sont très clairs. Hein. Oui, c'est grâce au nettoyage. Il y a 30 ans, toute la cathédrale était noire et grâce à cet nettoyage, la cathédrale a regagné son aspect original. Deux pierres différentes, le pierre plus clair c'est du calcaire et le pierre plus foncé c'est du grès. Mais avant qu'on la nettoie, on ne savait peut-être pas, tout le monde ne savait pas qu'il y avait deux pierres de couleurs différentes puisque avant c'était tout noir. Impressionnant, naturellement parce que c'est style française. Oui. Oh, en effet, la cathédrale était construite sur la modèle des grandes cathédrales françaises. On pourrait être en France là finalement. On peut bien dire que la cathédrale de Ratisbonne, c'est une cathédrale française sur territoire allemand. Avec donc... deux flèches. Oui, les tours possèdent une hauteur de 105 mètres, mais les flèches, je dois dire, sont 19e siècle. Ah, 19e siècle, oui. Oui, on a commencé la construction de la cathédrale à l'est, naturellement. Les parties est sont toujours les parties plus importantes parce qu'à l'est, direction vers le lever du soleil, c'était la position de l'autel. Vers l'ouest, strictement parlant, c'est seulement l'entrée principale et c'est pourquoi on a construit les grandes églises de l'est vers l'ouest. Aussi ici à Ratisbonne, et pour la première moitié, on a eu besoin d'environ 50 ans, mais vers cette époque, Ratisbonne était encore une ville riche. Le déclin économique a commencé plus tard et donc pour la deuxième moitié, on a eu besoin de 100 ans. Donc les parties plus jeunes, la façade ouest, était construite en l'an 1500. 25. Compléter, c'est pas juste parce que les flèches manquaient encore. Ah, vous voyez ici une sculpture, c'est le roi de Bavière, Louis Ier. Et grâce au roi de Bavière, on a ajouté les flèches en l'an 1872. Aujourd'hui, les flèches, les tours possèdent une hauteur de 105 mètres. Rappelez-nous la parenté entre Louis Ier et le célèbre Louis II. Louis Ier, c'était le grand-père de Louis II, mais quand même, Louis Ier était aussi le beau-frère d'Eugène Beauharnais. Bavière était un allié de Napoléon et la sœur de Ludwig, marié Eugène Beauharnais. D'ailleurs, Eugène Beauharnais est enterré à Munich. Puisqu'on parle de la cathédrale, et donc cathédrale catholique, quelle est la au niveau du culte ici en Bavière, entre la part entre catholiques et protestants? C'est une différence entre l'Allemagne sud et le nord. Et si cette partie est catholique, majoritairement. Majoritaire, environ 65% catholique. C'est une différence au nord, la majorité est protestante. Elle est dédiée à quel saint, cette cathédrale? La cathédrale de Ratisbonne est dédiée à Saint-Pierre. Donc cathédrale Saint-Pierre. Tu es pierre et sur cette pierre je bâtirai ma cathédrale. On va aller rencontrer le vicaire. Michel, nous sommes entrés, cette fois dans la cathédrale, où nous rencontrons le vicaire. On va peut-être lui laisser le soin de se présenter. Mon nom est Werner Schrüfer, je suis ici vicaire au Dom. C'est Monsieur Schrüfer, c'est le vicaire ici à la cathédrale. Regensburg a une cathédrale qui, neben Köln, la seule gothique cathédrale en Deutschland est, qui... nach dem Muster der französischen Gotik. Ici à Ratisbonne existe une cathédrale à côté de la cathédrale de Cologne. C'est la seule cathédrale en style française sur territoire allemand. Ja. C'est une cathédrale française. Unser größter Schatz sind die Glasfenster. Le grand trésor ici, ce sont les vitraux. Es gibt keine Kirche in Deutschland, die alle Glasfenster aus der Originalzeit hat. So viele wie hier in Regensburg, wie im Dom. Tout en Allemagne, il n'existe pas une église, une cathédrale dont les vitraux sont préservés, comme ici à Ratisbonne. Voilà, donc on peut faire un parallèle avec Metz, qui est une ville avec une cathédrale en France, riche en vitraux aussi. Alors, des vitraux anciens, des vitraux contemporains aussi? Es gibt auch Fenster des 19. Jahrhunderts. Il existe aussi des vitraux du 19e siècle. Und es gibt zwei Fensterreihen aus dem Ende des 20. Jahrhunderts. Deux parties de vitraux du 20e siècle, fin du 20e siècle. Warum die Fenster alle original sind, hat den Grund, im letzten Krieg wurden sie herausgenommen und wurden sie gesichert, sodass sie nicht Schaden leiden konnten. Ils sont préservés parce qu'au cours de la Seconde Guerre mondiale, on a préservé les fenêtres. Donc c'était démontré ici, c'était n'existait pas ici dans la cathédrale. Selbe in Metz. Hein? Okay. Ja. Ja, ja. Pareil à Metz, on les a démontés et remontés donc après la guerre et ainsi protégés. Mais de l'autre côté, keine Bombe im Zweiten Weltkrieg. Keine Bombe, nein. Keine Bombe. Regensburg wurde nicht zerstört, außer einigen Bahnhof und einigen anderen Anlagen. Pas de démolition au cours de deuxième guerre, seconde guerre mondiale ici de la cathédrale. Vor 30 Jahren gab es eine große Renovierung des Domes. Il y a 30 ans, c'était une grande restauration de la cathédrale. Und während dieser Renovierung hat man hinter die Glasscheiben Fensterscheiben eingebaut. Et au cours de cette restauration, au derrière des vitraux, on a placé des fenêtres nouveaux. Sodass die Umweltverschmutzung nicht an die Fenster heran kann. Donc aujourd'hui, la pollution de l'air peut pas fait contact avec les vitraux original. Er ist im Eigentum des Freistaates Bayern. La cathédrale aujourd'hui, le propriétaire est l'État de Bavière. Und fast seit über 90 Jahren gibt es eine Bauhütte und sie betreut, sie pflegt den Dom. Et depuis de 90 ans, il existe un chantier de la cathédrale. Suite de ce premier Suivez le Guide en Allemagne, en Bavière, à Regensburg, dans la cathédrale, nous sommes toujours avec Michael, notre guide, et Werner Schrüffer. Regensburg. Combien de visiteurs? Enfin, alors bien sûr, je dis visiteurs, mais il y a les personnes qui viennent prier ici, mais a-t-on une idée du nombre de personnes qui entrent chaque année dans cette cathédrale ici, à Ratisbonne? Also so zwischen 1 Million und 1,5 Millionen im Jahr, ungefähr. 1,5 Million. Aber es ist das meistbesuchteste Bauwerk in Ostbayern. C'est le bâtiment avec les plusieurs visiteurs en Bavière de l'Est. Und besonders besucht ist das Hochamt am Sonntag, weil die Regensburger Domspatzen singen. Et la messe le dimanche, c'est très visité naturellement parce que les moineaux de Ratisbonne chantent. Donc c'est voilà, le chœur hein, de jeunes. Le chœur des garçons. Genau, oui. Einer der bekanntesten Chöre der Welt. Ja. Un des plus fameux chœurs du monde et aussi des plus anciens du monde. Le plus ancien, en fait. Und die meisten Menschen kommen hier herein, um auch den lachenden Engel zu sehen. Et aussi beaucoup de gens venant ici pour aller voir l'ange sourit. Et où est-il alors? C'est un ange qui sourit? C'est un ange qui sourit. Mais où est-il l'ange qui sourit? Er ist vorne, ganz in der Mitte, in der Vierung. Das ist fast ein Wahrzeichen von Regensburg geworden. C'est un emblème de Ratisbonne, on peut dire ça. Oui, oui. On a le temps d'aller voir, on peut marcher jusqu'à l'ange qui sourit. Oui, oui. Allez, allons voir l'ange qui sourit. Es gibt ja einen Meister Ludovicus, der diesen ersten Domplan vorgelegt hat. Le premier architecte de la cathédrale, c'était Maître Ludovic. Und von ihm sagt man auch, dass die Verkündigungsgruppe sei von ihm gestartet. Et on dit que les deux sculptures ici sont exécutées de lui. Donc, das ist der lachende Engel. L'ange avec la souris. Und gegenüber die Mutter Gottes. Et la Mère de Dieu. Voilà, donc ce sont des statues, hein, effectivement. L'ange qui sourit et puis Marie de l'autre côté. Si. 1280. La cathédrale même, vue en plan, c'est pareil avec une église à Troyes, en France. À Troyes, Saint-Urbain. Saint-Urbain à Troyes. wenn man in Saint-Urbain steht und nach vorne schaut und wenn man hier steht, weiß man, hier gibt es eine Verwandtschaft. Si vous êtes dans l'église de Troyes, vous savez exactement c'est pareil ici à Ratisbonne. Donc on retient vraiment les vitraux, c'est impressionnant. Hein. Tous ceux qui entrent ici alors, trouvent que c'est sombre, d'abord, ça c'est la première impression, et puis ensuite ils sont vraiment en admiration. Hein. Ja, ja, dann wird das Licht nicht... Man sagt, unser Dom wäre wie ein Glashaus im Chor, nicht? On dit que la cathédrale de Ratisbonne, c'est comme une maison en verre. C'est difficile à gérer, un million et demi de personnes qui entrent ici chaque année. Ja, manchmal gibt es schon Probleme, es muss gut organisiert sein. De temps en temps, il existe des problèmes, il faut organiser. Ja, aber wir haben zum Beispiel 40 Domführerinnen und Domführer. Mais il existe par exemple 40 guides ici dans la cathédrale. Wir haben fast noch etwas vergessen, nämlich die neue Hauptorgel. La nouveau orgue, il existe. Une nouvelle orgue, c'est la plus grande hängende Orgel der Welt. C'est la plus grande orgue tombant ici du monde. Seit 2009. Inaugurée 2009. Sie hat einen französischen Klang. C'est un son français, on dit. Magnifique orgue, effectivement. Orgue contemporain. Voilà. Et là, on peut arrêter de comparer avec la cathédrale de Metz, qui, elle, n'a pas d'orgue. Gibt's keine Orgel? Klein. Un orgue en nid d'hirondelle. Zuerst hatten wir eine sehr kleine Orgel und die war ungenügend. D'abord, il existait naturellement un orgue, mais très petit et c'était pas suffisamment pour des dimensions ici de la cathédrale. Thierry Georges. Suite de ce premier Suivez le guide en Allemagne, plus précisément en Bavière et à Ratisbonne. Avec notre guide, on se balade dans la vieille ville, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, en compagnie de Michael. Regensburg. Juste, Michael, juste à droite, enfin quand on est face à la cathédrale, juste à droite, une maison tout à fait intéressante, pas du tout de même style hein, que les autres, que les vieilles maisons de Ratisbonne, peut-être plus récent. Oui. Mais je peux lire le nom, alors je peux lire un nom, je vois écrit en grand Napoléon. Napoléon, en effet. Le bâtiment construit vers l'an 1800, et quand Napoléon se stationnait en cantonnement juste ici. Si près, c'était une bataille entre les Français et les Autrichiens. Vous connaissez peut-être la bataille d'Eckmühl. Existe même un phare d'Eckmühl en Bretagne. Eckmühl, c'est un tout petit village, 10 km d'ici. Et après cette bataille d'Eckmühl, en passant, Napoléon faisait la conquête de Ratisbonne. D'ailleurs, ici, au cours de cette bataille de Ratisbonne, Napoléon était blessé. Pas grand-chose, seulement le pied, mais quand même, selon des historiens français, même des historiens français, Napoléon avait 3 cicatrices. Une cicatrice, siège de Toulon. Une cicatrice, la bataille de Ratisbonne. Bon, et le chien de Joséphine, mais c'est une autre chose. Ici à Ratisbonne, Napoléon, on l'aime plutôt bien ou on l'aime plutôt pas? C'était un peu tragique parce que Ratisbonne était un allié de Napoléon, mais c'était la bataille contre les Autrichiens. Mais strictement parlé, Ratisbonne et aussi la Bavière étaient un allié de Napoléon. Bavière était en effet un ami très étroit de Napoléon. Parce qu'après 1806, date de la dissolution de l'ancien empire allemand, quelques territoires de cet ancien empire allemand devenaient les alliés de Napoléon. Entre autres, la Bavière. Napoléon forçait la formation de la dénommée Confédération du Rhin et c'était sous la présidence de Ratisbonne. Bon, en même temps, si on a mis la plaque en grand, c'est qu'on n'a pas envie d'oublier Napoléon ici. Avec un très joli balcon. Peut-être Napoléon apparaissait-il au balcon de cet hôtel particulier. Probablement. Et juste ici, en face de la cathédrale, si vous retournez, vous voyez une fontaine avec un aigle. Ouais. Et c'est naturellement l'aigle impérial. Et à la fois, c'est le symbole que juste ici, la puissance de l'évêque est terminée. Ici commence la puissance de la ville franche. Uh-huh. Et typique pour ce territoire là-bas, ce sont les petites ruelles étroites. Et ces ruelles sont si étroites parce qu'elles sont bornées par des bâtiments datant du 14e siècle. Voilà, on est vraiment dans la ville et c'est ces fameuses maisons qui sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alors, ces maisons qui sont donc de quel siècle ? À peu près du Moyen-Âge. Hein. On peut bien dire toute la ville au centre des bâtiments du 14e siècle. Tous les bâtiments gothiques, style gothique. Les caves, même style roman, 12e siècle même. Alors, avec ces façades de différentes couleurs, des couleurs qui sont autorisées, d'autres non. Enfin, oui, je pense que en général, ce ne sont pas des couleurs de fantasy, c'est la reconstruction des couleurs originales. De l'époque. Si on fait la restauration d'un tel bâtiment, on examine le crépit très soigneusement et si on a la chance, on trouve des vestiges des couleurs originales. Et selon ce modèle, toute la façade est reconstruite. Donc, la ville médiévale, la ville gothique, ce n'était pas une ville grise. Tous les bâtiments étaient colorés. Hein. Donc les couleurs dominantes, celles qu'on retrouve le plus souvent, Michael. Donc il y a un vert là juste en face de nous, il y a du beige, ça tire vers le rouge, enfin. Des couleurs naturelles, naturellement, rouge, jaune. Ocre. Ocre, oui. C'est très joli, hein. Les ruelles de Ratisbonne, Michael, sont nombreuses. Enfin, il y a tout un dédale comme ça de ruelles ici à Ratisbonne. Oui, les petites ruelles, c'est une chose importante ici à Ratisbonne. Toute la centre préservée du 14e siècle. Alors, la largeur, là, ça fait quand même quelques mètres. Hein. C'est une ruelle, mais assez large. Mais je suppose qu'il y en a des plus étroites aussi. Hein. Oui, naturellement, le réseau routier de petites ruelles seulement pour les piétons, aussi au Moyen-Âge, et des grandes rues pour le trafic pour les chevaux. Donc, il y a beaucoup de commerce. On vient faire du shopping ici, dans les ruelles, de l'artisanat, de jolies boutiques. Hein. Bijoutier. An entryway into the town of Regensburg, Germany, Regensburg Brückturm, meaning bridge tower, greets visitors entering the city from the stone bridge. The medieval stone bridge leading up to the gate attests to the significance of Regensburg in the Middle Ages. The tower used to be so-called debtor's prison. Inmates were given fishing rods to beg coins from travelers below, with which they would repay their debt. Bon, maintenant nous sommes dans une rue plus grande et vous voyez une grande tour, une tour haute. Oui. Et ce n'est pas une église, cette tour est partie d'un dénommé château patricien. Cela veut dire une résidence privée pour une des marchands de Ratisbonne le plus riche. À gauche de cette tour, un bâtiment blanc et ce bâtiment blanc est parti de cette résidence privée. Donc cette résidence privée, c'est le marchand qui a fait bâtir cette tour. Absolument. Et on mesure la richesse du marchand à la hauteur de la plus elle est haute, c'est plus la tour est haute, ça, plus le marchand ça. Est riche. Hein. Exactement, un château patricien. Les patriciens, c'était le nom pour les familles régnantes. Ici à Ratisbonne, existait une quarantaine de cette famille patricienne qui a désigné entre eux, le conseil de ville qui désignait entre eux le maire. Donc ici, ce n'était pas une démocratie. Les 40 familles décidaient sur la politique de Ratisbonne. Et chacune de cette famille ambitieuse voulait démontrer sa richesse en construisant des résidences privées de luxe, comme aujourd'hui. Alors, mais simplement, il n'y a pas d'ascenseur à l'époque. C'est parce que c'est vraiment... C'est peut-être premier gratte-ciel de Ratisbonne. Ce n'était pas nécessaire parce que les tours sont construites seulement pour la représentation. Ah oui, à l'origine, les tours étaient vides. Ah, vides. Ah, vides. Ah, oui. Totalement inutiles, mais démonstration de la richesse. On dirait que c'est de la frime, en fait. C'est pour frimer. Ici, à Ratisbonne, on peut démontrer une quarantaine de cette tour patricienne, 40 familles patriciennes, 40 tours de famille. Et cette tour ici, c'est la tour plus haute, une hauteur d'environ 50 mètres. Château patricien, comparable à un château réel, c'est la structure. Ce bâtiment est vraiment un bloc, il occupe toute la place entre deux rues. Et la centre, c'est une cour centrale. Et nous pouvons jeter un petit coup d'œil dans cette cour centrale. Dans la cour. Mmh. D'ailleurs, si vous regardez dans les fenêtres, vous voyez que les anciennes voûtes sont encore préservées. Les voûtes gothiques de l'an 1270, typiques pour Ratisbonne. Pas seulement les façades, aussi une vie intérieure. Suite et fin de ce premier Suivez le guide en Allemagne, en Bavière, à Ratisbonne, Regensburg. Nous sommes toujours avec Michael, notre guide, dans la vieille ville, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Regensburg. Aujourd'hui, tout le monde peut entrer, tout le monde peut traverser la cour. Ça permet de rejoindre une autre rue. Et puis, il y a beaucoup de vélos, donc je pense qu'on pratique beaucoup le... on se déplace à vélo beaucoup. Pour les vélos, c'est une explication parce que le bâtiment, aujourd'hui, c'est un logement universitaire. Donc, les étudiants circulent à l'université de Ratisbonne, c'est une université jeune, fondée en l'an 1965. C'est pourquoi l'université n'est pas ici au centre-ville. Elle est environ 3 km vers le sud, mais la plupart des étudiants y habite ici au centre. Mmh. L'université de Ratisbonne, fameux parce que notre pape démissionné, Benoît XVI, il était un professeur. Ah, oui, il était un professeur juste ici à l'université de Ratisbonne pour théologie catholique, naturellement. Ouais, donc c'était jusqu'à quand? C'était quelle, dans les années... Il était un professeur ici de 69 jusqu'à 77. D'ailleurs aussi son frère aîné habite ici. Ici à Ratisbonne existe un très fameux chœur de garçons, ah oui, les Domspatzen, littéralement les moineaux de la cathédrale de Ratisbonne. Les Domspatzen. Donc, oui, c'est pas seulement Mireille Mathieu aussi. Oui. Donc, il y a les Domspatzen. Ce surnom est déjà de l'an 1910. C'était autour d'un concert en Pologne et la presse polonaise a dit les garçons de Ratisbonne, les moineaux de Ratisbonne. Mm-hmm. Donc, ce chœur existe toujours, hein? Naturellement, oui, naturellement. Et pour... Et toujours que de garçons. Que des garçons. Il est composé des garçons de 10 à 19 ans, environ 120 membres. Mm-hmm. Et donc le frère de Benoît XVI, il était le chef de Domspatz, mm-hmm, sous la direction de Georg Ratzinger de 64 pour 30 ans. Oui, c'est ça. On peut encore rencontrer donc en Allemagne des personnes qui ont eu l'ancien pape comme enseignant. Naturellement, ouais, naturellement. Ouais. C'était tout simplement un professeur. Un juste professeur. Ici, ouais. Ouais. Donc il enseignait quoi? Théologie catholique, naturellement. Mmh. Oui. Il y a une rue, Joseph Ratzinger, non, ou Benoît XVI, ici à pas Ratisbonne encore, pas non encore, mais il possédait une maison juste ici. Dans le jardin de ces maisons, on a placé une buste du pape. Mais ça arrivera à la rue. What are they doing in heaven? existe naturellement une explication pourquoi ici à Ratisbonne sont préservés beaucoup des bâtiments du Moyen-Âge. Premièrement, un peu de démolition au cours de la Seconde Guerre mondiale. Mais il existe aussi une autre explication. Ratisbonne était une ville très riche vers l'an 1300. Vers cette époque, les marchands de Ratisbonne possédaient l'argent pour faire la construction d'un bâtiment moderne en centre-ville. Mais pour construire un bâtiment moderne, il faut démolir le bâtiment précédent. Donc, plus tard, après le Moyen-Âge, le déclin économique de Ratisbonne avait commencé. Si vous comparez avec Vienne, la capitale d'Autriche, aussi Vienne n'était pas démolie au cours de la Seconde Guerre mondiale. Aussi, Vienne possédait naturellement un centre médiéval très, très grand, mais Vienne était très, très riche vers l'an 1700. Vers cette époque, on a démoli les bâtiments médiévaux, laid, intentionnellement. Et on a construit des palaces en style de baroque. Ici, à Ratisbonne, pas d'argent pour faire ça. Et aussi, après la Seconde Guerre mondiale, le bâtiment moderne, construit vers l'an 1950, mais seulement très peu de bâtiments de cette époque sont ici à Ratisbonne parce que Ratisbonne, grâce à la pauvreté de Ratisbonne, cet centre médiéval est préservé. Aujourd'hui, nous disons que nous avons eu de la chance d'être pauvres. Sinon, il y aurait des palais type les palais viennois ici à Ratisbonne et on aurait détruit la ville médiévale pour une ville, effectivement, à l'époque baroque par exemple. Théoriquement, chaque visiteur qui s'arrête ici à Ratisbonne, à Regensburg, Michael, je crois que la première chose que fait chaque visiteur, comme peut-être à Avignon, donc en Avignon, on va sur le pont d'Avignon. Et ici, à Ratisbonne, on va sur le pont de Ratisbonne. On peut bien dire que le pont des pierres est le bâtiment plus important ici à Ratisbonne, construit en l'espace d'un an de 1135 à 1140. En effet, le pont de Ratisbonne est environ 40 ans plus vieil que, Le pont d'Avignon. Le pont Saint-Bénézé. Voilà, et puis personne ne l'a fait sauter pendant la Seconde Guerre mondiale. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, le Danube n'était pas une frontière importante. Le long du Rhin, tous les ponts sont détruits naturellement. Alors il y a une histoire, vous allez nous raconter cette histoire, Michael. Le diable s'est mêlé de la construction du pont de pierre. Ah oui, là-bas, juste avant là-bas. Nous, vous voyez une petite sculpture, un petit bonhomme en pierre, naturellement, être assis sur une pierre pointue, il regarde la cathédrale. Et en effet, selon la légende, l'architecte du pont de pierre aurait fait un pari avec l'architecte de la cathédrale pour savoir qui aurait le premier à compléter son œuvre. Qui aurait fini en premier. Oui, c'est ça. Et le pont de pierre en retard. Et maintenant, il demanda au diable de l'aider. Pour la cathédrale, bien sûr, on avait l'aide de Dieu pour la cathédrale. Naturellement. Le diable accepte, mais les âmes des trois première créature à traverser le pont, ce sont pour le diable. Et naturellement, l'architecte du pont a gagné. Le pari est maintenant un grand jour de fête, grande ouverture du pont. Et maintenant, l'architecte du pont pousse avant lui un chien, un coq et un poule pour franchir le pont. Et le diable, naturellement furieux, trempé, prend les trois animaux et le jette de toutes ses forces dans le Danube. Et c'est l'explication pour les tourbillons ici. Déçu, naturellement, le diable voulait détruire le pont et il a fait le gros dos sous l'arche centrale du pont pour le détruire, pour le soulever. Mais naturellement, le pont était trop solide, mais c'est l'explication pourquoi le centre du pont est environ 5 mètres plus haut que les côtés c'est à gauche et à droite. Essayé, oui, effectivement, il n'a pas réussi, mais il l'a quand même déformé un petit peu, c'est ça. Voilà, de là, on a une vue aussi exceptionnelle sur la cathédrale, surtout le cœur historique de Ratisbonne. Quand même, comme historien, le pont était complété en l'an 1146 et on a commencé la construction de la cathédrale en l'an 1273. Ah. Donc, cette légende... Ah, ça marche pas alors. La première impression Danube, on imagine un fleuve très large. Ici, bon, c'est large, mais je sais pas, si on compare avec la Seine, c'est peut-être à peu près pareil. Enfin, c'est... Oui. Ici, hein. Pas tout le Danube. Hein. Oui, c'est vrai, mais vous devez considérer. Et puis il y a un îlot aussi. Le Danube, c'est le fleuve plus long en Europe centrale, une longueur de 2888 km. Mais d'ici, ce sont seulement environ 450 km en amont jusqu'à la source, mais ils sont plus de 2400 km en aval. Donc, rappelez-nous, pour ceux qui ont oublié, le Danube prend sa source où ? Forêt Noire, près de Stuttgart, Brigach et Brake, ce sont les deux affluents, et puis Donau-Eschingen. Voilà, donc on est vraiment plutôt près de la source. Hein. C'est ça, c'est la seule grande fleuve qui s'affluent de l'ouest vers l'est. Vers l'est, donc hein. C'est la liaison traditionnelle. Et, par exemple, les croisés allemands du XIIe siècle, le départ c'était en général ici à Ratisbonne. Pour les croisés français, c'était en général Marseille et puis la mer Méditerranée. Pour les Allemands, Ratisbonne, puis en aval, Autriche, Hongrie, Constantinople, mer Noire, Terre Sainte, Jérusalem. De l'autre côté, les articles de commerce qui étaient transportés ici à Ratisbonne étaient internationaux. Donc, on vendait ici des épices, soit des étoffes verts italiens. On peut bien dire que la cause principale pour la richesse médiévale de Ratisbonne, c'était le pont de pierre. Le Danube ici, qui alors va se jeter... l'embouchure du Danube, c'est... La mer Noire. La mer Noire. La mer Noire. Mm-hmm. Bon, malheureusement, le Danube, c'est pas un fleuve bleu. Peut-être vous êtes un peu étonnant, mais c'est naturellement le Rhin. Le mot allemand pour Danube, c'est Donau. Le mot allemand pour bleu, c'est Blau. Et voilà, Rhin, Donau, Blau. Voilà, le beau Danube bleu. Mais là, il est... Danube vert, c'est pas le un beau Danube. Rhin, ouais. Parmi les célébrités de Ratisbonne, Michael, on parlait du pont de pierre. Le pont de pierre est très connu à Ratisbonne, très célèbre. Il y a tous ces bâtiments classés, mais très célèbre aussi à Ratisbonne, aussi célèbre dans le monde entier, la moutarde. La moutarde, en effet aussi. Célébrité mondiale de Ratisbonne. oui, c'est le moutardou Händelmeier. Donc aussi un beau souvenir, vous avez des BMW, si un BMW est trop cher, un pot de moutarde. On peut entrer, on va aller voir cette moutarde. Alors il y a différentes couleurs, c'est une moutarde qui est un peu sucrée, hein, c'est ça? Oui, c'est moutardou, mais naturellement existent des divers moutards existent pour les saucissons blancs. C'est en général moutarde doux. Il y a de jolis pots de moutarde. Alors, il y a, Michael, toute une variété de moutarde. C'est toute une variété de moutarde. Naturellement, la fabrique de Händelmeier a déjà fondé en l'an 1910. Et moutarde traditionnelle, c'est moutarde doux. Alors, on a la moutarde jaune, la moutarde qui tire un petit peu vers, qui est marron. Ça, c'est la moutarde pour me déguster avec des saucisses. Ah, c'est une moutarde très sucrée. C'est bon. Mais c'est vraiment très sucré. C'est presque une sucrerie, finalement. Après, je vais goûter alors, la moutarde la plus jaune. Là, c'est ce qu'on appelle en France la moutarde au condiment. Donc la traditionnelle, elle s'appelle... Bayerisch Süßer. Süß, c'est doux. Hausmarr, Senf. Senf, c'est moutarde. C'est moutarde. Moutarde maison, c'est ça? C'est ça. Mondialement célèbre. On peut dire ça. Alors que nous approchons de la fin de notre visite de Ratisbonne en Bavière, et après la dégustation de moutarde, c'est le moment de partager avec modération ein Bier mit Michael, notre guide. Où sommes-nous, Michael? Ici, c'est une... difficile à, à expliquer pour les Français, un jardin de bière, mais... Un Biergarten, c'est ça. Donc, et à la fois ici, c'est la brasserie plus vieille ici à Ratisbonne, la brasserie de Spital, c'est la forme brève de hôpital. Hôpital, la brasserie que, de l'hôpital. Oui, parce qu'on donnait la bière aux malades. En effet, c'était déjà fondé en l'an 1226, mm-hmm. et à l'origine, c'était un hôpital pour les pauvres. Et même aujourd'hui, quelques parties de ces bâtiments, c'est une maison de retraite. Les places très demandées, naturellement. Alors, il y a effectivement ici à Ratisbonne le pont de pierre, qui est à notre droite, et juste à côté du pont de pierre, le jardin de bière, donc, où on déguste cette bière qui est brassée ici. Alors un Biergarten, c'est à la fois c'est une terrasse, mais pour que ce soit un Biergarten, c'est pas juste une terrasse. Naturellement, c'est en dehors, naturellement, oui. des grands arbres. Et il faut qu'il y ait les arbres, la nature, c'est un jardin, il y a l'idée de jardin. Pour ainsi, mais un jardin de bière, naturellement. Donc le faux exceptionnel, c'est pas la nature, c'est la bière. Et donc tout le monde prend, et tout le monde boit une bière. Ici, c'est aussi considéré d'être la vue plus belle sur la silhouette de Ratisbonne, avec mm-hmm. les emblèmes, avec le pont de pierre, avec la cathédrale, avec le Danube juste à côté. C'est merveilleux, hein. C'est merveilleux. Alors, quand on commande une bière ici, on nous sert un demi. Un demi, nous avons le système métrique grâce à Napoléon, naturellement. Et donc, ici, si vous demandez un demi, c'est un demi. C'est un vrai demi. Oui, je n'ai jamais compris en France. Si vous commandez un demi, c'est un quart. C'est quoi? C'est un quart, oui. C'est pas logique, hein. C'est pas logique. Et alors, quand on demande. J'étais beaucoup un peu déçu. J'ai demandé un demi, et moi. Donc là, on a pris un vrai demi. C'est normal, tout le monde, c'est la mesure que tout le monde prend. On prend un demi-litre. Et si on demande un litre, on demande quoi alors? C'est une masse ici à Ratisbonne, une masse bier, c'est un litre. Une masse bier, un litre. Eine masse bier, oui, oui. Eine masse bier, mais là on a bien un demi. Bon, on trinque, Michel. Finalement, Prost. Prost. Et c'est bien écrit effectivement sur ce demi, Spital, hôpital. Voilà, donc on va goûter la bière de Ratisbonne. Hein. Ah, c'est bon. Hein. Ah oui. Elle est légère. Pas si légère, environ. Un peu moins que 5%, je crois. Mais... Bon, pas si légère, mais légère quand même. Aujourd'hui, c'est chaud, c'est très, très agréable. Pour accompagner la bière, Michael, traditionnellement, dans un Biergarten, que mange-t-on? Dans notre jardin de bière. Bon, et ici en Bavière, c'est toujours le porc, donc ouais. Schweinebraten, Schweinshaxen, rôti de porc, pied de porc, avec des knödel. C'est le repas traditionnel ici. Mais alors, aussi les knödel, peut-être on peut expliquer les knödel. C'est un peu difficile pour les Français. Donc c'est une grosse boulette. du pain, et on le jette en forme ronde, en forme d'une boule, et on le jette dans l'eau bouillante. Et, dans l'eau bouillante, oui. C'est ça. Et avec, Donc c'est une grosse boule de mie de pain. On peut dire ça, oui. Mais il faut goûter. Donc, venez ici en Bavière et goûtez le knödel et le Schweinebraten. Voilà, ça tient à l'estomac. Et puis sinon, bien sûr, on mange des sauces. Alors, on mange aussi du pied. Comme à Sainte-Menehould, on mange du pied de cochon. Sainte-Menehould, oui, le pied des cochons, mais c'est totalement autre chose. Ici, l'eau est encore dedans et la croûte, c'est en effet de viande. Ah oui, donc on nous sert le pied complet, alors? Oui, oui, c'est ça. Oui, ça. Pas complet, mais la moitié. Voilà, et on prend son pied de cochon. Bon, on peut dire guten Appetit, Mahlzeit. Oh. En bavarois, un guten. Vielen Dank, Michael Koska. Vielen Dank auch l'Office national allemand du tourisme à Paris, Vanessa Kevitz, Till Palm et Beatrix Haun. Vous avez pu entendre le Regensburger Domspatzen, les moineaux de Regensburg, chœur considéré, je vous le rappelle, comme le plus ancien au monde, car il prend son origine en 975. Réalisation Roman Feocchio, un site internet germany.travel/fr.